nouvelle publication « Agence de notation au cœur des dérives de la finance » en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Renaud Blais, une autre fenêtre sur les Indiens des Amériques, en deuxième partie d'émission. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monnette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne d'Attaque Québec. Un peu plus tôt cette semaine, la chercheure Julia Posca de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, a publié une brochure sur les agences de notation. On en parle avec elle après avoir écouté SAT, le groupe SAT dans la couleur de l'argent. Bienvenue au cœur de la rue, au sein de ses coulisses, où ce qui n'en ont pas l'air possèdent déjà tous leurs vices. Là où les jeunes veulent un tas de fric, un tas de miss. Et avant de voir quoi que ce soit arriver, se trouvent tous complices. Vu que ce rap relate nos rues, ces dingues et ces vices-là, normal que tu retombes toujours sur les mêmes histoires. Avec y aurait peut-être de quoi faire des films, des romans, et depuis peu même des millions. De nos jours, qui va te prétendre vivre d'amour ou d'eau fraîche? Ni moi, ni les miens, ni ce qui réside là où je crèche. Dans la dèche, on se tue à la tâche pour amener le cash, coûte que coûte. Et selon les camps, on s'encule tous ou on serre les coudes. Gosse, on connaissait déjà le manège. Comme quoi, rien ne tombait du ciel, hormis de la pluie, de la neige. Dans chaque quartier, c'est l'état de siège, et même sous défense, sans levier, on tient tous à notre du degré ou de force. Non mais, c'est quand qu'on brasse, c'est quand qu'on palpe le fixe, c'est bien pour t'en parler. Non mais c'est quand qu'on le claque, nous place au soleil, on les convoite. On est tous braves, on tire dessus comme sur des sacs tombés d'un convoi. Bon, c'est quand qu'on le voit, en fait je me fous du mérite. Je veux l'avoir entre les doigts, avec mes vraies poches en profite. Les emmerdes, on y a tous eu droit de dose. Comme disent les miens autour, ils seraient même contents de voir autre chose. Pour l'heure, je rappelle, laisse une trace de mon passage sur terre. Honnêtement, il me faut du blanc, puis savoir qu'en faire. Et s'il fait pas le bonheur, il doit bien contribuer grandement. Sans manque en tout cas, nous aurons nuit gravement. On croit tous que l'argent fait le bonheur et pourtant sommes-nous plus heureux quand on en a pour autant? Hein? Je crois pas dans ce monde y'a plus important que le fric et pourtant. On croit tous que l'argent fait le bonheur et pourtant sommes-nous plus heureux quand on en a pour autant? Hein? Je crois pas dans ce monde y'a plus important que le fric et pourtant. J'ai beau savoir qui je suis, d'où je viens, de quoi je suis issu. Un jour faudra bien que je fasse mon deuil à ces putains de rues. Je vois mes potes devenus parents récemment. Tous font tout pour que leurs gosses grandissent pas là-dedans, mais décemment. C'était la couleur de l'argent de SAT. J'ai au bout du fil Julia Posca. Bonjour Julia Posca. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS. Avant de passer au sujet de l'entrevue de ce midi, les agences de notation, d'ailleurs, ce matin, Madame Boileau en parlait justement de l'influence des agences de notation en parlant de notre première ministre. Donc, mais avant de passer au sujet de l'entrevue, j'aimerais que vous nous parliez de l'IRIS. Oui, bien sûr. Ben, en fait, l'IRIS est un institut de recherche indépendant. On est basé à Montréal et l'objectif de l'institut, c'est un peu de développer une perspective progressiste là, sur différents enjeux socio-économiques comme la santé, l'éducation, la fiscalité. Puis donc essayer de construire là, un contre-discours, si on veut, à la vision dominante de ces enjeux-là en l'appuyant sur des études bon, qui sont fiables, évidemment, puis qui sont aussi accessibles au plus grand nombre, en fait. Dans celle que vous avez fait sur les agences de notation, pourquoi avoir choisi de rédiger une brochure sur les agences de notation? En fait, c'est que les agences de notation sont assez méconnues et pourtant, ben, comme vous le disiez, là, ça, elles sont souvent au centre de polémiques. Là, c'est-à-dire que, comme là, on a appris la semaine dernière que Standard & Poor's et DBRS, donc qui sont deux agences de notation, songeaient à abaisser la note de la caisse de dépôt et de placement là, advenant le cas où le Parti québécois change le mandat de la caisse. Et donc, on peut se demander en quoi ces entreprises-là sont concernées, en fait, par les politiques, justement, d'une institution comme la Caisse de dépôt et de placement. Oui, c'est quand même incroyable l'influence qu'elles peuvent avoir. Bien, c'est ça. Donc, l'idée de la brochure, c'était un peu de démystifier, justement, le rôle de ces agences-là, qui sont devenues, en fait, très puissantes au cours des deux dernières décennies, surtout, et en même temps, de faire la lumière, là, un peu sur, justement, la place de la finance dans le contexte économique actuel, hein, de l'économie financière. D'ailleurs, vous parlez de démystifier. Dans le premier chapitre, vous expliquez ce que sont les agences de notation. Ce que j'en ai retenu, c'est que leur rôle a évolué dans le temps au point d'en être venu à être en conflit d'intérêts. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ben en fait, si on peut peut-être revenir un peu justement sur cette évolution-là, c'est qu'en fait, bon, la première agence de notation a vu le jour il y a un siècle, là, donc des entreprises qui sont dans le paysage, disons, depuis longtemps. Et au départ, bon, on produisait des manuels que les investisseurs pouvaient se procurer pour avoir de l'information, justement, afin de prendre des décisions là, d'investissement, donc, ou placer leur argent. Mais après la crise économique des années 30, l'activité financière s'est repliée et donc les agences ont aussi, en quelque sorte, été marginalisées. Puis c'est seulement par après, à partir des années 70, donc, où on voit un mouvement de libéralisation de la finance, qui conduit à l'expansion de l'activité financière. Et ça a accru la demande pour de l'information financière, justement. Puis c'est dans ce contexte-là que les agences sont devenues des autorités en matière d'évaluation financière. D'ailleurs, vous signalez dans votre brochure une législation américaine de 1974 qui a marqué un tournant. C'est un peu compliqué, mais ça vaut la peine d'expliquer à nos auditeurs les conséquences qui s'en sont suivies pour l'économie financière et qui ont mis de l'avant les agences de notation. Ouais, ben c'est ça. Ben comme je l'ai dit, c'est vraiment dans le contexte où on libéralise la finance et puis là, la législation dont vous parlez en 75, c'est un changement en fait à une loi une législation de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis qui est comme l'équivalent d'autorité des marchés financiers et qui introduit pour la première fois le terme, bon c'est un terme en anglais, mais qui nomme les agences de notation dans une loi qui porte sur les fonds propres que doivent détenir les banques. C'est-à-dire que les fonds propres, c'est l'argent que possède réellement la banque. Hein. Si, par exemple, une banque vous prête 100 $, elle n'a pas nécessairement 100 $ dans ses coffres. Et donc, la loi peut lui obliger, par exemple, à détenir 8% de ce qu'elle prête en fonds propres. Et là, donc, pour faire un prêt de 100 $, ben, il faudrait qu'elle ait 8 $ dans ses coffres. C'est une manière de, si on veut, de prévenir là, contre un risque que justement la banque puisse pas remettre l'argent. Mais donc, cette loi de 75, ben, elle stipule que le ratio de fonds propres va être déterminé en fonction de la qualité des titres qu'elle possède. Et donc, en fonction de leur code de crédit. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est venu normaliser le fait que le risque associé à un titre de dette soit mesuré à partir de la cote de crédit attribuée par l'agence. Ouais. Et donc, autrement dit, les agences sont devenues une référence au sein des marchés financiers en matière de gestion des risques. Elles sont devenues incontournables, c'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça, c'est que... Donc, en prenant les agences comme objet d'étude, là, pour revenir à la brochure qu'on a présentée cette semaine, c'est qu'on a voulu montrer l'importance qu'avaient pris les marchés financiers dans le régime économique actuel. Et un des changements majeurs qui a découlé là, de la libéralisation puis aussi de la mondialisation des marchés financiers, c'est que, entre autres, bon, c'est la manière qu'ont les États de se financer. On est passé d'un mode de financement là, qu'on dit par la planche à billets, donc l'émission de monnaie, à un financement par obligataire, donc par émission d'obligation. Et donc ça a entraîné une dépendance des États envers les créanciers hein, qui achètent ces obligations-là. Or, les obligations, comme d'autres titres de dette, ben, c'est les agences de notation qui en évaluent la qualité. Et donc, qui soudainement peuvent décider si un État aura accès à du crédit ou pas. Et surtout à quel prix, parce que la cote de crédit, il faut savoir que ça influence le taux d'intérêt auquel un État ou une entreprise peut emprunter. Ça, c'est un très bon exemple concret du pouvoir accru des agences de notation. On a vu aussi lors de la crise financière de 2008 qu'elles avaient été pointées du doigt justement parce qu'elles avaient noté positivement des titres qui se sont avérés pourris, non? Mm-hmm. On fait plusieurs reproches aux agences de notation, même jusqu'à parler d'effets pervers de la notation. Bon, on a pu parler de l'influence sur les états. Est-ce que vous pouvez nous parler, expliquer ces effets pervers des agences de notation? Oui, certainement. Bien, on peut prendre un exemple avant de parler de la crise actuelle. C'est intéressant de revenir un peu, si on se replace dans les années 90, au début des années 90, le Canada a perdu sa cote triple A parce que les agences jugeaient que la dette du pays était trop élevée. Et puis la réaction du gouvernement de l'époque, à partir de 95-96, ça a été en fait d'imposer une cure d'amaigrissement à l'État canadien afin donc de réduire le déficit. Et puis évidemment, ben les conséquences pour la population, bon, on les connaît. Ça a été des coupures de postes, ça a été les coupures à l'assurance chômage. Donc des effets là, oui, pervers, parce que pour sous prétexte de retrouver le triple A perdu, donc la note du Canada dans ce cas-ci, ben on a finalement imposé de l'austérité à l'ensemble des Canadiens. Mais aussi, vous évoquiez la crise de 2008. En fait, c'est ça, un des effets pervers, c'est que justement, les agences qui sont supposées finalement rendre les marchés plus efficaces et donc en diffusant de l'information, en fait, souvent, elles sont source d'instabilité. Ah oui? C'est-à-dire qu'elles accentuent les déséquilibres sur les marchés financiers qui sont là très volatiles, si on veut. Parce que quand des produits financiers sont bien notés, ben ils peuvent créer une bulle, c'est-à-dire que les investisseurs vont se ruer vers ces produits-là parce qu'ils recherchent des placements sûrs. Mais le jour où l'agence remet en cause la qualité d'un produit, ben la décote qui s'ensuit peut engendrer une panique au sein des marchés financiers et donc faire éclater la bulle. Et c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire que on avait des produits dérivés des hypothèques à risque, là, les fameuses subprimes. Donc, ces produits-là dérivés étaient bien cotés par les agences. Donc, il y a eu un marché qui s'est développé là. Et le jour où le produit sous-jacent, donc les hypothèques à risque, ont commencé où il y a eu des défauts de paiement, là, ben ça a eu une répercussion sur le produit financier qui a été décoté, et là, d'où l'éclatement de la bulle, là. Donc on voit là, l'espèce d'effet finalement de contagion, parce qu'après ça, ben c'est une crise finalement boursière qui est devenue, c'est-à-dire une crise financière qui est devenue une crise économique, en fait. Oui. Je suis revenu au début de l'entrevue. Oui. Je parlais du fait qu'elles étaient en conflit d'intérêts. Ça m'a étonné dans la lecture de votre brochure, finalement. Elles se font payer pour faire de la notation, c'est ce que je comprends? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, avant les années 70, elles produisaient des manuels avec de l'information sur justement les entreprises, les États, et c'est les investisseurs qui achetaient ces manuels-là pour s'informer sur finalement les différents types de dettes. À partir des années 70, c'est les émetteurs de dettes eux-mêmes qui se sont mis à payer pour recevoir les notations, en fait. Donc, on parle du principe là, de l'émetteur-payeur, c'est-à-dire que c'est l'État ou l'entreprise qui sollicite une notation. Oui. Et en fait, quand vous évoquez le conflit d'intérêts, bon, il y a ça d'une part. Il y a aussi le fait qu'à partir des années 90, en fait, surtout, il y a tout le segment de la finance structurée qui s'est développé. Donc ça, c'est des produits financiers qui sont créés pour couvrir le risque lié à d'autres opérations de crédit. Oh là là. Ouais, c'est un peu complexe, mais c'est la fameuse titrisation, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi, si je suis une banque, j'ai prêté de l'argent, j'ai des hypothèques, j'ai des dettes de carte de crédit qui chacune a un risque, c'est-à-dire le risque qu'on ne rembourse pas la dette que j'ai la dette que j'ai. Et donc, pour se couvrir de ce risque-là, les banques revendent les titres de dette à un tiers. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la titrisation, en fait. Donc, de transformer une dette en produit financier. Mais ce qui arrive, c'est que ces produits-là, donc, ont une note de crédit aussi associée. Qui est faite par les agences à la demande des banques? Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que les agences de notation servent de... En fait, elles conseillent la banque qui construit ce produit-là. Ah, oui. Elle lui dit, ben, si tu veux que ton produit soit bien noté, il faudrait qu'il y ait tant d'hypothèques, tant de crédits à la consommation, par exemple. Donc là, il y a comme l'apparence d'un conflit d'intérêts. Oui, en effet. Oui, c'est ça. Par contre, ce que nous, on a essayé de montrer dans la note, c'est que effectivement, ben, c'est-à-dire malgré ce conflit-là, c'est pas ça qui est responsable des déséquilibres qu'on peut observer sur les marchés financiers puis qui ont après là, les répercussions qu'on connaît sur l'économie réelle. Ouais. Donc, de pointer vers ces conflits d'intérêts-là, c'est pas faux, mais c'est, disons, pas mettre le doigt au bon endroit. Ouais, c'est pas le fait de régler, de réglementer finalement pour éviter ces conflits d'intérêts qui va éviter. Vous dites d'ailleurs que la notation, c'est ça, on en vient finalement à votre thèse, là, que la notation, c'est pas une activité neutre, c'est une courroie de transmission de l'orthodoxie économique. Mm-hmm. Donc, meilleur encadrement réglementaire, ça serait pas suffisant, c'est ça que j'ai compris. Oui, ben c'est ça, c'est qu'en fait, cette orthodoxie, c'est qu'elle est devenue la norme et puis que les agences véhiculent et... Si on regarde par exemple le Royaume-Uni qui est en fait aussi aux prises avec une situation budgétaire des finances publiques difficile, a adopté en 2010 un plan d'austérité pour finalement assainir ses finances publiques, mais avant même que les agences décotent en fait la note donc du Royaume-Uni. Donc on voit qu'il y a comme une espèce de consensus à l'effet que l'austérité budgétaire en temps de crise, c'est la solution. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, donc, justement, c'est que comme il y a ce consensus, ben on peut pas penser que de réglementer davantage les agences de notation, ça va régler ce problème-là. Et en fait, tu sais, comme c'est ça, donc de régler, parce que les réglementations visent à améliorer finalement le fonctionnement des agences, donc régler les problèmes de transparence ou de conflit d'intérêts qu'on évoquait plus tôt. Oui. Mais comme je le disais, ben c'est pas ces problèmes-là d'une part qui sont à l'origine des déséquilibres et des crises qu'on traverse, c'est plutôt le fonctionnement même des marchés financiers, où la règle, hein, c'est plutôt le rendement à court terme. Et c'est pour ça que ce qui est en jeu, ben, selon nous, c'est bien plutôt de réduire la dépendance des États envers ces marchés financiers-là. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, ben, on pourrait quand même penser que, disons, un pas dans cette direction-là, en ce qui a trait aux agences de notation, ce serait, par exemple, de sortir la notation des réglementations bancaires. Hein. Plus tôt, on parlait de cette législation de 75 là, qui a comme normalisé, si on veut, la pratique de l'évaluation financière et le rôle des agences. Ben donc, réduire la dépendance envers la notation, ce serait entre autres ça, ce serait de changer ces législations-là. Mais de manière plus générale, ben ce qu'on dit, c'est que tant qu'on ne remet pas en question justement la toute-puissance des acteurs de la finance et donc entre autres des agences de notation, les États finalement se condamnent à devoir se plier à leurs impératifs et puis avec les conséquences que ça entraîne, dont finalement ce qu'on observe en ce moment, une crise économique qui est devenue une crise de la dette, puis qui, à cause de l'austérité, s'est transformé en fait a eu comme conséquence là, les tensions sociales qu'on voit en Espagne, ou encore des tensions politiques comme on a vu aux États-Unis l'année dernière, là, au moment de renégocier justement le plafond de la dette. Oui. Donc, il y a des conséquences lourdes. Oui, ce qu'on va voir bientôt, là, c'est ça, en janvier. Oui, ben c'est ça. prise 2, oui. Écoutez, Julia Pascal, merci beaucoup. Ce sont des questions quand même assez complexes, mais je crois que vos explications ont quand même éclairé nos auditeurs. Et moi, j'ai lu au complet la brochure. Ça se lit quand même bien, même si effectivement ce sont des questions complexes. Je trouvais ça fort intéressant. Alors, nos auditeurs qui veulent la lire peuvent se rendre sur le site de l'IRIS. Oui, tout à fait. C'est www.iris-recherche-au-singulier.qc.ca. Et la brochure, je crois qu'elle est sur la page d'accueil de l'IRIS en ce moment, c'est ça? Oui, effectivement, et vous pouvez la télécharger, c'est tout à fait gratuit. Bien, merci beaucoup, Julia Pascal. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Julia Pascal de l'IRIS, l'Institut de recherche en information socio-économique. On écoute un peu de musique. Ensuite, ce sera l'éditorial de Claude Vaillancourt. C'est la baraque, c'est un petit jeu de mots, BAR, apostrophe RAG, c'est un petit jeu de mots, c'est Cédric Vuille, V-U-I-L-L-E, qui a composé cette pièce musicale, c'est sur la compilation des pareillés, PAS Rayé, une très belle compilation, soit dit en passant. Et effectivement, après avoir entendu Julia Pascal de l'IRIS, on a presque envie de casser la baraque. Mais bon, à mesure qu'on avance et qu'on comprend le système, peut-être qu'on va réussir finalement à trouver des solutions alternatives qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et justement, le prochain éditorial de Claude Vaillancourt, l'éditorial hebdomadaire de Claude, porte sur... L'Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec, et Claude explique évidemment l'importance, la difficulté que nous avons à faire entendre notre voix, qui est différente de celle de la voix de l'orthodoxie, si on veut. Et je vais laisser Claude vous expliquer ce qu'il en est de cette Assemblée générale, mais aussi des efforts que nous faisons à Attaque Québec pour essayer finalement de montrer des idées, des positions alternatives à celles qui sont les positions généralement acceptées, mais qui nous mènent dans des cul-de-sac qui font malheureusement souffrir tant de monde un peu partout, ici et ailleurs. On écoute Claude Vaillancourt. Samedi de la semaine prochaine, le 24 novembre au matin, Attaque Québec tiendra son Assemblée générale annuelle. Cet exercice démocratique de la vie associative nous relance très souvent dans un questionnement existentiel. Pourquoi existons-nous comme association? Quelle est notre utilité? Pourquoi s'obstiner à combattre quelque chose d'aussi fort et omnipotent que le pouvoir financier? Est-ce qu'on ferait pas mieux de rentrer chez nous, consommer, se tenir tranquille comme bien des gens le souhaiteraient? Le problème d'Attaque, comme toutes les organisations qui luttent pour la justice sociale, est l'ampleur du combat et l'inégalité des forces. D'autant plus que la situation des dernières années est quelque peu décourageante. Des organisations comme la nôtre avaient prévu la crise que nous traversons toujours pour des raisons qui se sont avérées vraies. Nous avons eu des bons diagnostics, mais nos solutions à la crise ne sont pas appliquées. Ce qu'on applique en fait, c'est la stratégie du choc, comme l'a si bien décrite Naomi Klein. On profite de la crise, des difficultés que traversent les populations, de la résistance affaiblie pour imposer des mesures de libéralisation toujours plus radicales. La preuve au Canada, les accords de libre-échange qu'on négocie avec l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, le partenariat transpacifique et l'accord sur la double imposition conclu avec Hong Kong en fin de semaine dernière qui facilite les fuites fiscales dans ce paradis fiscal. Tout ça sous le prétexte de vouloir relancer l'économie. Il s'agit en fait d'une très, très grande perte pour l'autonomie politique et pour la démocratie. L'échec de ces politiques est flagrant. La preuve, la croissance constante des inégalités, l'incapacité de relancer l'économie, les atteintes très graves à l'environnement, les atteintes à la démocratie, la persistance de la pauvreté, la persistance des crises. La preuve encore, des milliers de gens dans les rues d'Europe, une fois de plus cette semaine, pour combattre l'austérité, des mesures d'austérité qui font du bien aux banquiers, mais beaucoup de mal aux pauvres et aux familles de la classe moyenne. CKRL 89.1, Québec. Voilà, c'était l'éditorial de Claude Vaillancourt. Vous avez compris, chers auditeurs, que la semaine prochaine, samedi prochain, c'est l'Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec. Il est possible d'ailleurs que notre entretien, notre chronique de la semaine prochaine avec notre ami Robert Jasmin soit faite directement depuis les lieux de l'Assemblée générale qui aura eu lieu le matin. Alors, si c'est le cas, nous aurons donc une primeur sur cette Assemblée générale de la part de Robert Jasmin. Alors, nous allons donc passer à la publicité et ensuite, une fois la publicité faite, ce sera la chronique de Renaud Blais. À tantôt. Salut, je m'appelle Steven. Ça fait 8 ans que j'étais jeune au sein du monde. Dans le fond, ce que ça m'a apporté plus de discipline et plus de capacité à être à l'aise devant un public. Aujourd'hui, je donne des cours aux plus jeunes puis ça me fait plaisir de passer ce que j'ai appris. Jeune musicienne du monde. Quand la musique change le destin. Soirée bénéfice le 23 novembre à l'Impérial. Avec Yann Perrault, Bren 23000, Papa Groove, Elissa P. Isaac, Marc Ederry, Marco Cagliari et plusieurs autres. Billets en vente sur le site jeunemusiciendumonde.org. Une présentation, La Capitale, groupe financier. Chez Couvre-Plancher McGee et Fils, vous faites affaire avec de vrais professionnels du couvre-plancher. De père en fils, l'entreprise familiale vous offre à la fois de conseils judicieux, une estimation gratuite ainsi qu'un excellent service après-vente. Couvre-Plancher McGee et Fils propose un grand choix de céramique, tapis, prélard, plancher flottant et plancher de bois franc. Également spécialisé dans l'évaluation de couvre-plancher quand vous subissez un sinistre. Couvre-Plancher McGee et Fils, 3670 Boulevard Amel, 418-683-2383, couvre-plancher-mcgee-fils.com. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. AV Jam, ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. AV Jam offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AV Jam, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. possibilité de mise de côté. Nous sommes de retour. Vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Renaud Blais, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser vous présenter, Renaud. Bon, moi, je suis militant altermondialiste depuis une dizaine d'années. J'ai été reconnu en 2012 comme Huron Wendat à part entière, donc je me définis comme métis et fier de l'être. Alors, pour résumer, certains de mes ancêtres venus d'Asie sont en Amérique depuis quelques 10 000 ans. Ils sont ceux qui ont accueilli et rendu possible la vie des missionnaires et des commerçants venus d'Europe au temps de la Nouvelle-France, d'où sont issus l'autre partie de mes ancêtres. Alors, moi, je trouve qu'il est toujours altermondialiste de resituer la place prépondérante des Indiens en Amérique au cours de l'histoire ancienne et récente, particulièrement en Amérique du Nord. Alors, je prends un énorme plaisir. Je fais de très heureuses rencontres quand je prépare cette chronique pour vous, chères auditrices et auditeurs. Merci d'être là. Alors, dans le but d'apprécier l'importance de la communauté des Hurons-Wendat dans la région de la capitale nationale, voici quelques éléments déterminants. À l'occasion des élections qui viennent d'avoir lieu le 26 octobre dernier, la liste électorale a donc été fixée et le nombre des électrices et des électeurs est évalué à 3107 Hurons-Wendat inscrits, dont 50% ne vivent pas à Wendake. Vous savez sans doute que le grand chef sortant, Conrad Tsiwi, a été réélu. Alors, d'abord, voici comment les Hurons-Wendat se présentent sur le site web de la communauté. Une culture ancestrale, une histoire fascinante. Je cite, « L'histoire du peuple Wendat est tissée dans les champs, les lacs et les montagnes du continent, de la baie Georgienne aux embouchures du Saint-Laurent. Peuple d'agriculteurs et de chasseurs, guerriers aguerris et fins diplomates, démocrates et commerçants hors pair, les Wendat, dénommés Hurons par les Français, se sont mérités le respect de tous les peuples fréquentés dans l'est du pays depuis des siècles. Si la pandémie amenée malgré eux par les Français bouleversa notre ancienne civilisation, qui comptait plus de 40 000 individus à l'époque de Champlain, le feu du peuple Wendat ne fut jamais éteint. » Je continue de citer. « Fière héritière de cette civilisation qui guida la destinée de l'Amérique du Nord-Est pendant des siècles, la communauté s'installe à Wendake en 1697 sur un site d'abord connu sous le nom de Rorik. Niché aux abords du canyon de la rivière Akienwanrak, c'est la rivière Saint-Charles, le village est situé en retrait de l'ancienne cité et capitale Wendat de Stadacone, devenue Québec, et donne facilement accès au territoire de pratique des activités coutumières. Le territoire, on le nomme le Niowentio. Les Wendat y développent un milieu de vie dynamique et prospère qui d'hier à aujourd'hui demeure contemporain et ouvert sur son environnement tout en puisant à ses racines. » Je continue toujours de citer. « Enfants de Donnacona et Kondiaronk, les Wendat vous invitent à découvrir l'histoire du pays comme on ne vous l'a jamais conté. » La petite fenêtre que je veux vous offrir aujourd'hui, après avoir rencontré le vice-grand-chef Jean-Vincent, c'est d'exposer le monde financier de la communauté, son importance ici à Québec. Jean-Vincent assume la fonction de président-directeur général de la SOCA depuis sa création. C'est une organisation qui chapeaute bien des entreprises financières. Il en est le président-directeur général depuis 1992. Il détient une licence en sciences sociales, en sciences comptables, un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité de l'Université Laval, et est détenteur des titres de comptable agréé, comptable général licencié et de gestionnaire financier autochtone certifié. Je vous fais d'abord entendre un premier extrait de mon entrevue que je compléterai ensuite. Wendake, c'est un carrefour des Premières Nations, mais au niveau financier, qu'on parle de caisse de retraite, qu'on parle d'assurance, qu'on parle de financement commercial, qu'on parle de produits d'épargne, qu'on parle de capital de risque, on a toutes les organisations ont leur siège social ici. Alors Wendake, si on voulait faire une analogie, on pourrait dire que Wendake, c'est un peu le Wall Street des Premières Nations du Québec. Et c'est ça, en fait, au plan financier, on a tous les volets là, qui sont gérés là, à partir de Wendake. Monsieur Vincent, vous avez plusieurs titres à Wendake ici. Par exemple, est-ce que vous pouvez m'énumérer les institutions financières, les organisations au niveau financier qui existent ici à Wendake? Alors moi, peut-être pour répondre à votre question, moi à Wendake, je suis vice-grand chef de la nation Huron-Wendat, mais je suis également président-directeur général de deux institutions financières autochtones, la Société de crédit commercial autochtone, dont la mission principale est d'offrir du financement commercial aux entreprises qui appartiennent à des membres des Premières Nations à travers le Québec. C'est une société de financement. C'est une société de financement commercial. Et je suis également président-directeur général d'une autre société qui s'appelle la Société d'épargne des Autochtones du Canada, qui, elle, offre à la fois des produits d'épargne sous forme d'obligations corporatives aux membres des Premières Nations. Les non-Autochtones peuvent également acheter ce genre d'obligations-là. Et avec le capital, nous le réinvestissons dans les Premières Nations sous forme de prêts pour... soit faire du financement commercial, encore une fois, financer des infrastructures, financer des projets communautaires, de l'immobilier, des programmes d'habitation. Mais ça déborde de Wendake, là. Oui. En fait, les deux sociétés, la Société de crédit commercial autochtone et la Société d'épargne des Autochtones du Canada, nous, en terrain de jeu, c'est les Premières Nations sur le territoire de la province de Québec. C'est ça, ça dépasse le cadre de Wendake. Puis, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est les chiffres d'affaires de ces organisations-là. Portefeuille de prêts sous gestion des deux corporations, parce qu'en fait, les deux corporations travaillent... Ils sont complémentaires. En étroite collaboration, ils sont complémentaires, si on peut dire. Alors, on a un portefeuille de prêts à peu près 25 millions, du prêt commercial, prêt immobilier, des projets communautaires. Et en contrepartie, on a des obligations qui sont émises pour 14 millions, évidemment, qui sont investis sous forme de prêts. Wendake, c'est une Première Nation, c'est une communauté, mais qui est également, c'est un carrefour des Premières Nations, particulièrement pour les nations francophones. Au Québec, Wendake est situé au cœur de la ville de Québec. Les gouvernements, évidemment, sont établis là, à Québec. Je pense entre autres le secrétariat aux affaires autochtones pour le gouvernement du Québec, et le ministère des Affaires indiennes au gouvernement du fédéral, qu'on appelle maintenant le ministère des Affaires autochtones et développement du Nord-Canada. On retrouve également beaucoup d'autres ministères là, gouvernementaux là, qui sont présents à Québec. Alors, d'une certaine façon, Wendake, c'est un carrefour des Premières Nations et Wendake héberge beaucoup, beaucoup de sièges sociaux de corporations, mais aussi d'organisations politiques. Au niveau politique, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a son siège social à Wendake, de même que diverses commissions, la Commission de la santé et des services sociaux, la Commission de l'éducation des Premières Nations, la Commission de développement économique des Premières Nations. Donc, ce sont toutes des commissions qui sont associées à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Wendake héberge également le régime des bénéfices autochtones, qui est en quelque sorte un peu la caisse de dépôt et de placement du Québec, mais pour les membres des Premières Nations. Alors, c'est un fonds de 400 millions, des actifs sous gestion de 400 millions, dessert plus de 4000 membres, 4000 employés ou retraités qui travaillent pour soit des conseils de banque, des organisations ou des entreprises autochtones à travers le Québec aussi. Alors donc, c'est ça, Wendake, c'est le carrefour, il y a beaucoup d'activités et beaucoup de Premières Nations là, qui sont représentées. Merci beaucoup, M. Vincent. Alors, pour compléter la démonstration du Wall Street des Indiens du Québec, M. Vincent parle de la Société de crédit commercial autochtone. Celle-ci fait travailler 18 personnes. Il a aussi parlé de la Société d'épargne des Autochtones du Canada qui emploie 18 personnes également. Une autre entreprise financière, Investissement des Premières Nations du Québec, emploie, elle, 11 personnes. Pour terminer, les organismes du côté financier, le régime des bénéfices autochtones emploie 30 personnes. Je continuerai après la pause musicale avec les emplois reliés au monde politique et touristique. Écoutons maintenant Christian Laveau et son chant à la lune. Yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Wendake accueille de nombreux autres sièges sociaux. Pour parler de l'importance de Wendake, là, c'est le plus important est sans doute l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador. À elle seule, elle emploie une centaine de personnes avec ses nombreuses commissions énumérées par M. Vincent, vous verrez bientôt. Aussi, M. Vincent, il en a parlé tantôt dans le premier extrait. M. Vincent évalue à une centaine d'emplois les organisations commerciales qui ont leurs sièges sociaux à Wendake. Reste maintenant l'industrie touristique qui emploie aussi de façon saisonnière une centaine de personnes, dont nous parle dans ce deuxième extrait le vice-grand chef Jean-Vincent. Si on parlait de tourisme à Wendake, qui est une autre organisation qui est plus spécifique à Wendake, je suppose. Oui, mais... moi je parlerais de l'industrie touristique de Wendake. D'ailleurs, je suis le président là, de l'industrie touristique à Wendake, qui regroupe essentiellement trois organismes. D'abord, on a l'hôtel Maison des Premières Nations, qui est une société en commandite, propriété du Conseil de la Nation Huron-Wendat et d'un fonds de capital de risque qui s'appelle Investissement Premières Nations du Québec, dont le siège social est à Wendake aussi. On a le Musée national de la Nation Huron-Wendat, qui est le musée qui est adjacent à l'hôtel. Et on a également l'Office de tourisme de Wendake qui se charge d'accueillir les visiteurs et aussi de commercialiser Wendake en tant que destination. Alors, ces trois organisations-là travaillent étroitement les unes avec les autres. Et en fait, je dirais même que en matière de gestion, les trois organisations sont intégrées. Là. Donc, c'est le même conseil d'administration et c'est la même direction générale là, qui chapeaute ces trois organismes-là. L'industrie touristique à Wendake, c'est un virage qui a été pris au milieu des années 2000. Évidemment qu'en 2007-2008, on a investi environ 25 millions pour la construction des infrastructures. Et actuellement, on est à peaufiner le produit Wendake en tant que destination où notre objectif est de faire vivre à nos visiteurs, que ce soit des clientèles, en fait des touristes ou même des clientèles d'affaires. Notre objectif, c'est de faire vivre une expérience authentique et de qualité avec les Premières Nations et notamment établir le contact là, avec la culture Huron-Wendat. Puis avec l'hôtel, c'était facile de voir qu'il y avait un désir de garder les gens sur place. Là. Ah ben oui, tout à fait. Oui, parce qu'un de nos objectifs, nous, c'est d'étirer le séjour de nos clients au minimum, garder les gens au moins une nuit, puis idéalement un peu plus que ça même, 2 à 3 nuits. Alors évidemment que pour garder les gens sur place, bien évidemment qu'il faut offrir une panoplie là, d'expériences et de choses à visiter et de choses à vivre. Alors d'ailleurs, on travaille étroitement avec la Ville de Québec et la région, notamment avec l'Office de tourisme de Québec. Vous savez que la région de Québec s'est donné comme défi de devenir une destination internationale touristique d'ici 2020. Alors, ceux qui suivent le tourisme au Québec sont au courant de ça. En fait, la stratégie de la région tourne autour de 5 chantiers. La voie maritime du Saint-Laurent est une, Québec, capitale de l'hiver, en est un autre, et ainsi de suite. Il y a 5 chantiers comme ça et 15 projets porteurs. Et Wendake est l'un des 15 projets porteurs là, qui supporte cette stratégie-là, là, qui... pour 2020. Alors, on en fait partie. Puis nous, en fait, notre contribution dans la région, effectivement, c'est dans l'offre globale touristique. Nous, c'est de se positionner comme étant une expérience avec les Premières Nations, notamment la Nation Huron-Wendat. Une expérience authentique et de qualité. Et les Français en mal d'exotisme, ça se dément pas, je suppose. Hein? Ben, en fait, il y a les Français, il y a les Allemands, il y a les Italiens, mais aussi il y a les Américains. Puis... Et les Canadiens, les Québécois. Ouais, on vise plusieurs marchés. Le marché international, évidemment, est très intéressant. Mais il ne faut pas négliger non plus le marché du Canada, le marché régional même, où on reçoit beaucoup de clients. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce que peut représenter le monde des affaires, particulièrement la finance à Wendake. Je vous remercie beaucoup. C'était une autre fenêtre sur les Indiens d'Amérique. À la prochaine. Merci, Renaud. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec jusqu'à 13h sur les ondes de CKRL. CKRL 89.1. Par la suite, ce sera Conte de fées, une émission sur la littérature animée par Olivia Vu. La nuit était sombre, striée d'éclairs en grand nombre, mais tout était monté, un piquet de chaque côté. La nuit des héros, de la loterie à numéro, autour du bras zéro, des buts à part un zéro. Toute la nuit, il a plu sur le tipi, sur le tipi, il a plu toute la nuit. Le dernier démon, Ican, décida de lever le camp sur le champ. C'était une autre pièce de Cédric Vuille, pardon, toujours sur la compilation Dépareillée sur le Tipeee. À surveiller cette semaine, ça c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est à l'adresse www.réseauforum en un seul mot. .org, réseau forum au singulier, / GRILLE, grille, trait d'union, calendrier. À surveiller donc ce samedi 17 novembre, aujourd'hui, il y a deux grands événements de solidarité. Le premier, c'est la journée Protégeons les humains, agissons par nos droits. C'est une grande conférence avec plusieurs organismes et ateliers participatifs pour envisager des actions pour défendre nos droits. Ça, c'est à la grande salle du Centre Frédéric Bach, au 870 avenue de Salaberry. Ça débute à 13h, mais ça se poursuit jusqu'à 17h15. Alors, il y a plusieurs ateliers sur le droit des femmes, sur la justice climatique et alimentaire, sur les entreprises canadiennes à l'étranger et les droits humains, sur le droit au travail et les conditions de vie. Enfin, c'est dans le cadre de la tournée du Québec pour les droits humains d'Amnesty International avec la coalition Pas de démocratie sans voix et la collaboration du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN. Depuis 10h ce matin jusqu'à 16h cet après-midi, c'est la journée de la solidarité Nord-Sud. C'est la clôture à Québec des journées québécoises de solidarité internationale. Vous savez, nous en avions parlé ici même à Québec avec deux personnes il y a deux semaines, là, avec la participation de plusieurs organismes, la semaine passée, pardon, avec la participation de plusieurs organismes de solidarité internationale, le tout coordonné par Carrefour Tiers-Monde. Alors, il y avait Kiosque et Rallye Familial, c'est toute la journée. Il y a une projection Enrichir le pays, tirée de manifeste en série du cinéaste Hugo Latulippe. Il va y avoir la locution de Geneviève Rochette, conférence Les paradis fiscaux et leur impact sur les pays du Sud, animation pour les enfants, pièce de théâtre familial, le pays d'où je viens. Enfin, plein d'activités, c'est jusqu'à 16h au Musée de la civilisation à Québec. Du 16 au 18 novembre, c'est le Forum social de Laval, un vent d'espoir au cœur de novembre. Ensuite, du 14 au 22 novembre, il y a plusieurs activités à Québec en appui à la grève mondiale pour l'éducation. Et je vous signale, entre autres, une manifestation nationale. Il va y avoir un autobus, ça va être à Montréal le 22 novembre. Tiens, 22, ça nous rappelle quelque chose. Il va y avoir donc un autobus, le FRAC AC, qui va affréter un autobus à partir de Québec. Vous pouvez réserver vos places à l'adresse fracasse@gmail.com, fracasse@gmail.com. Le 19 novembre à Lévis, c'est la Commission populaire itinérante sur le droit au logement. Vous savez, nous en avions parlé il y a deux semaines de la Commission, celle de Québec, et là, elle est à Lévis le 19 novembre. Le 20 novembre à midi, un budget d'austérité, ça ne passe pas. Le 20 novembre, c'est la journée où le budget va être dévoilé par le ministre des Finances, M. Marceau. Et l'activité va avoir lieu à midi. Donc, je le disais, un budget d'austérité, ça ne passe pas. Respectez vos promesses. C'est la coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et la privatisation des services publics qui convie la population à venir manifester En marge du huis clos budgétaire qui a lieu au Centre des congrès de Québec. Alors, les revendications de la coalition, c'est revoir la fiscalité pour faire contribuer davantage les plus riches et les grosses entreprises, abolir complètement la taxe santé, renoncer aux hausses de tarifs d'hydroélectricité et à la hausse des frais de scolarité, financer adéquatement les services publics et les programmes sociaux, lutter contre la pauvreté. Enfin, 21 novembre à midi, enterrons la taxe santé. Ça, c'est l'ère des femmes, des centres de femmes qui nous invitent devant l'Assemblée nationale au lendemain du budget du Québec à venir célébrer l'abandon complet par le gouvernement de la taxe santé ou d'exprimer votre colère si vous ne l'avez pas fait et d'exiger que, finalement, qu'on arrête de réanimer cette mesure injuste. Ah, une dernière, du 23 au 24 novembre, le Forum Démocratie construit un projet de société. Ça, c'est le Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale et la CADEL qui nous invite à ce forum pour l'objectif, c'est de construire un projet de société. Et c'est un événement ayant pour thème la démocratie dans son sens large. Il se tient à l'Université Laval. On dit que si vous êtes intéressé à vous impliquer de près ou de loin dans le développement, enfin, si vous voulez aider les organisateurs du forum, vous êtes invité à les contacter à vincent.delaurier@cercn.qc.ca. Ça, c'est la conférence régionale des élus de la capitale nationale. Le mot de la fin, toutes ces adresses vont être mises sur notre blog un peu plus tard dans la journée. Alors, merci à Julia Posca, chercheur à l'IRIS, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur le rôle des agences de notation. Merci à notre chroniqueur Renaud Blais. Merci enfin à Claude Vaillancourt pour son éditorial hebdomadaire. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable d'Attaque Québec, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et aussi sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, legraindesable.qc.org, et vous allez trouver donc les divers liens de ce qu'on nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook, cherchez-y Le Grain de Sable sur CKRL, et un compte Twitter @grain-de-sable-qc. Réagissez-y, ça nous fera plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous aimeriez qu'on vous lise en ondes? Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, legraindesable@commercial.hotmail.com. On se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Mon nom est Michel Monette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et fin de semaine. Demeurez avec nous à la prochaine heure. C'est l'émission Contes de fées avec Olivia Vu. À la prochaine. La nuit était sombre, striée d'éclairs en grand nombre, mais tout était monté, un piquet de chaque côté. La nuit des héros, de la loterie à numéro, autour du bras zéro, des putains par un zéro. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le gala de CKRL est de retour pour une cinquième année et c'est maintenant le temps de voter pour vos émissions favorites. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca et votez. Les émissions ayant récolté le plus de votes seront soumises à notre juré. Les gagnants seront dévoilés le 30 novembre prochain. Vous avez jusqu'au 19 novembre. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est maintenant à votre tour de vous faire entendre. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 88 640 2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. prochain tirage du loto 649, le gros lot est évalué à 46 millions. 46 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Le temps des fêtes est souvent synonyme de courses folles, d'achats excessifs. Mais heureusement qu'il existe le traiteur Plaisir et Arôme pour nous sauver temps et argent. Courez la chance de gagner votre buffet des fêtes en visitant notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Concours ». Partagez sur votre mur et obtenez 3 chances supplémentaires. Sur réservation de votre buffet pour le temps des fêtes, dites CKRL et obtenez une surprise. 418-621-0549, plaisirearome.com. Les jeudis 9h, ne manquez pas le 8e continent, une émission sur le thème de l'environnement animée par Eugénie Aymon. Énergie verte, agriculture urbaine, activisme environnemental et chlorophylle sont à l'honneur avec en vedette des organismes qui font avancer les choses dans la région de Québec. Le 8e continent, les jeudis 9h à CKRL.